Monte le fadi, la vie en paradis. Monte qui a main que personne pas aiguille. Dis-moi pour qui ça nous caplerait, pour qui nous toujours trop malheureux. Dis-moi est-ce vraiment c'est ça bon Dieu télé. Enfant tiens-nous, nous ni secret la vie. Tout ça qui est fait pour nous l'embellir. C'est parce l'amour nous qui sauve nous. Et montre nous que pour toujours. Nous bénis espoir quand même qu'on est. Même si moi disparaître, sans moi arriver changer les hommes. Ça nous besoin, c'est vivre l'amour nous quand nous en vie. Pour apprendre les genoux, ça qui la vie.